font qu'un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue ici sur l'antenne de RIG, la radio de Dieu n'a aidé, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. J'espère que vous allez très très bien. Et puis, installez-vous bien. Appelez tout le monde si vous voulez encore assister à cette émission. Oui, elle vient juste de commencer. Appelez. Nous sommes là. Pas appelez, non. Appelez-les. Nous sommes là jusqu'à minuit. Et ce soir, j'ai mon invité Jean-François Chenu. Bonjour Jean-François. Salut Eric. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien, très bien. Ravi d'être dans ton studio avec tes auditeurs. Et il fait bon, il fait chaud, ce qui n'est pas le cas dehors. Donc on est bien. On est bien là. Oh, ouais. C'est un petit cocooning ici là. On va reprendre l'émission qu'on avait interrompue finalement faute de temps il y a maintenant 3 semaines, je crois. Exactement, nous avons fait l'émission le 28 octobre dernier nous avions programmé plus d'une quarantaine de titres et puis on parle beau tellement aussi sur Dieu n'a aidé que on ne pouvait pas faire ça tout ça en une seule émission. Donc ce soir pour le nous sommes le 8 décembre et bien c'est parti pour la seconde partie de cette émission Johnny ses concerts sa plus belle histoire d'amour. Absolument. À partir du livre que tu as écrit avec Michel Leclerc. Tout à fait, que je vais enfin rencontrer. Ce week-end, vas-y, raconte-nous un peu l'actualité, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours? Bah écoute, demain je monte à Paris. Je monte à Paris et j'ai surtout un rendez-vous vendredi avec Michel que je ne connais pas, enfin je ne l'ai jamais vu, donc on va se rencontrer, en vision, on va vous êtes déjeuner ouais. ensemble et on va se retrouver vendredi à partir de 18h au Johnny's Bar à l'Accor Hotel Arena ex-Bercy. Voilà. Pour rencontrer, dédicacer nos livres. Donc c'était un moment sympa que j'attends avec impatience. Et je suis ravi surtout de le voir parce qu'on a fait ce travail ensemble et que c'est quand même dommage de pas s'être rencontré physiquement. Bien sûr. On a échangé par visio, on a échangé par téléphone, par texto, par mail, etc. Mais bon, là on va faire connaissance et on est ravis de ce moment, on l'attend avec impatience. Et puis on invite aussi nos auditeurs, limite auditeurs de l'émission Johnny de A à Z de venir à ta rencontre. S'ils veulent venir au Johnny's Bar l'ex-Bercy vendredi avec plaisir, avec grand plaisir bien sûr. Mais voilà. Okay. Avant qu'on commence cette émission sur Johnny et ses concerts, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler en information prochainement sur Johnny Hallyday? Il y a beaucoup de sorties en ce moment puisque il y a eu donc les raretés Warner vendredi il va sortir Mon nom est Johnny qui est un documentaire qu'on voit déjà sur Canal+, qui est disponible d'ailleurs sur MyCanal pour ceux qui l'ont, peuvent le revoir, mais qui sera donc commercialisé vendredi 10. Et on t'y voit dans ce documentaire. Oui, c'est une apparition. Plus qu'une apparition d'ailleurs. Parce qu'en j'ai fait, pas vu, donc c'est pour ça. ils m'ont sollicité à 2 reprises, donc j'ai fait deux entretiens avec le réalisateur Pascal Duchesne, donc très sympa à Paris. Et c'était en fait le fil conducteur, c'est un peu Johnny l'Amérique. À l'occasion de cette tournée américaine qu'il a faite. Et Pascal souhaitait remonter un peu dans le temps et savoir depuis quand il y avait cette connexion avec l'Amérique. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais bien raconter un petit peu ça, cette histoire-là, et témoigner de ses débuts, notamment en 62, quand je suis à Nashville pour la première fois. Donc, j'interviens effectivement dans l'émission. Je suis très, très heureux et très flatté d'être au milieu de personnalités importantes, puisque en fait, ce qui est sympa dans ce documentaire, c'est que c'est quand même un Johnny artiste, entouré de musiciens essentiellement. Donc les gens qui interviennent, c'est Robin Le Mesurier, c'est Yarol Poupo, c'est et puis et Mickey Jones. Et ça, c'est formidable. Ah, ça, c'est un grand moment, je trouve, de voir Mickey Jones avec Johnny et parler de cette époque bénite du milieu des années 60. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment des choses très sympas. Et puis cette tournée, visiblement, tournée qui lui tenait à cœur, il a pris beaucoup de plaisir à la faire. Et voir Johnny dans les petites salles, on l'a vu à la Cigale, par exemple, en France. Mais donc c'est un peu le même principe, puisqu'il chante dans des House of Blues, à la Nouvelle-Orléans ou à Miami, enfin, etc. Donc voilà, c'est un très beau documentaire. J'ai beaucoup aimé, autant j'avais pas du tout aimé le documentaire sur le road trip ou Le promesse, qu'il était vraiment, ça me faisait un peu de peine. Autant là, c'est formidable. Hein. C'est 2014, donc. C'est 2014, il est pas malade, et puis il est vocalement superbe, il est entouré d'un groupe formidable. Il y a Alain Lanty qui est très présent dans le documentaire, qui est très intéressant. C'est un formidable musicien que j'ai vu à l'Arena il y a pas longtemps, parce qu'il accompagne Panny en ce moment dans sa tournée. Donc, et j'ai vu Panny il y a une quinzaine de jours à l'Arena. On va écouter tout de suite un petit extrait qui est sorti récemment, le premier simple sorti de ça. Je ne sais pas comment l'appeler. Je crois que en fait ils sortent des titres enregistrés dans chaque ville, quoi. C'est ça, exactement. Un titre par ville. Et là, on va aller du côté de Washington, hein, au théâtre de Lincoln, pour écouter Que je t'aime, le titre qui est sorti récemment, à l'attente d'avoir le coffret en main propre. Voici Johnny Hallyday dans l'émission Johnny de A à Z. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts. Que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, et quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, et quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, tu te donnes. Oh, que je t'aime. Quand il te sent plus chaque, et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir puisse se finir dans un cri, et quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, ouais. Que je t'aime. Dans mon corps, sur ton cœur, lourd comme un cheval mort. On ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre. Quand c'est moi le soldat qui meurt et qui l'a peur. t'aime. Ouais, que je t'aime. Que je t'aime. Je t'aime. Il y a eu donc aussi le teasing de ce fameux projet Vie dont on n'a pas arrêté de parler. Ça fait un moment qu'on en parle sur ton antenne, donc qui est annoncé donc pour début janvier. C'est avec la chanson Pour moi tu es la seule. Alors, ça a étonné certaines personnes qui se sont dit mais pourquoi ce titre qui date, qui était enregistré en 63, qui est sorti en 64 sur ce fameux EP avec les mauvais garçons, qui est l'adaptation d'une chanson d'un bluesman Cutting In de Johnny Guitar Watson. La façon de Johnny est sensationnelle, mais pourquoi ce titre? Et en fait, c'est parce que tout le monde n'a pas le coffret History. C'est ça. Qui est sorti, je crois, en 2011. 2012. Et Johnny avait, en studio, refait une version de ce titre en 70. Une version qui est décapante. Hein. Ouais, est vraiment décapante. Vrai. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce titre. Et avec la version originale, plus une version de la même époque sur des basses orchestres de Nashville, qui a été sortie sur le livre, dans le livre de Gilles Paquet en 93, au moment du Parc des Princes. Il y avait un disque qui accompagnait ce livre. Et il y avait cette autre version de Pour moi, tu es la seule. Donc, ça, c'est un peu le teasing du projet. Et donc, vous aurez des nouvelles très bientôt avant Noël sur la suite des opérations. Voilà. Avant Noël, vous avez entendu ça? Avant Noël, donc le rendez-vous est pris. on va enfin le voir ce produit. Ce sera avec grand plaisir, bien sûr qu'on va avoir qu'est-ce que nous avons? C'est tout ce que nous avons. Voilà. Non, mais, et puis toujours ton livre, évidemment. Toujours le livre, puis un truc marrant qui va intéresser tes auditeurs. J'ai eu la chance hier de déjeuner avec Jean-Claude Camus. Mmh. Alors, c'était tout à fait un peu improvisé et pas du tout prévu. En fait, c'est une association d'entrepreneurs bordelais, le Bordeaux Business Athletic Club, qui réunit aussi bien des assureurs, des banquiers, que des médecins, toutes les corporations, mais qui se réunissent, une fois par mois, et à chaque fois, il y a un invité. L'objectif pour eux, c'est de faire du business to business, de faire du réseau. Et puis, il y a un invité qui vient avec des profils très différents. Et l'invité hier, c'était Jean-Claude Camus. Et donc, je me suis invité à ce déjeuner. Et donc, ça avait lieu dans un endroit très chic à Bordeaux, l'Institut Bernard Magret. Et je suis arrivé vers midi avec mon livre que j'ai offert à Jean-Claude, dédicacé bien sûr. Et quand je suis rentré dans la salle, c'était étonnant parce qu'il y avait tous ces entrepreneurs qui étaient en train de boire une coupe de champagne et Jean-Claude était tout seul dans son coin. Donc je suis allé le voir et voilà, je me suis présenté, puis on a discuté un petit peu ensemble. On a été interrompu parce qu'il a fallu qu'il prépare son intervention, puis on s'est retrouvé juste après sur l'estrade tous les deux et on a eu l'occasion de discuter. Et c'était très sympa parce qu'on a parlé de Vegas, on a parlé du Stade de France, on a parlé de ces grands moments-là, on a parlé aussi des difficultés aujourd'hui du monde du spectacle. Il me disait à quel point dans les théâtres c'était compliqué, que même le cinéma c'était compliqué, alors n'en parlons pas pour certains artistes, de remplir des salles c'est aujourd'hui très très très difficile. Voilà, et donc il est intervenu pendant le repas, il a parlé de son métier de producteur, il a dit qu'il pourrait plus refaire aujourd'hui ce qu'il a fait, il a évoqué évidemment des souvenirs extraordinaires avec Johnny, avec Michel Sardou aussi, avec Jean-Michel Jarre, notamment concert à Moscou, qui était un grand souvenir. Et puis après, il y a eu le traditionnel tour de table des questions. Et puis je me suis levé, j'ai posé des questions. Et je lui ai posé, nous avons affaire à un connaisseur, dit-il. Mais il a répondu de façon extrêmement libre, de façon très décontractée aux questions et c'était un bon moment. Voilà. Donc Jean-Claude Camus était à Bordeaux hier. Et voilà. Mais t'en as profité. Oui. T'as profité de ce moment-là parce que c'était la première fois que tu le rencontrais. Non, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois. Je l'avais interviewé très longuement en 95 quand j'avais fait le supplément pour Info Matin. Ouais. Donc ça a été la première personne d'ailleurs. Quoi. Il nous avait ouvert les portes de son bureau très facilement et on avait beaucoup beaucoup beaucoup discuté. Puis je l'avais aussi interviewé, mais par téléphone, pour au moment de Rafton. Oui. Et de la, quand Arte a diffusé le All Access. Le All Access, et Info Matin m'a demandé de faire le, mon, en fait, mon premier article, je ne suis pas journaliste. Hein, et donc j'avais écrit le papier sur cette tournée. Et j'avais appelé Jean-Claude pour lui poser quelques questions. Et donc, et puis, je l'avais revu après dans d'autres circonstances. Je l'avais déjà vu, mais 95, oui, j'avais vu assez longtemps. Oui. Mais bah, tu sais quoi, il oui. l'avait oublié. Oui, mais bah, je m'en doute. C'est pour ça. C'est... Il a un peu dire, oh, Jean-François. Vous écoutez RIG, la radio de John Hayday, le mercredi de tous les mercredis, oui, de 22h jusqu'à minuit. Et je suis ce soir avec Jean-François Chenu pour nous faire la seconde partie de Johnny Ses Concerts, sa plus belle histoire d'amour. Nous avions quitté l'année 98 et nous arrivons aux années 2000. Bah, on arrive au nouveau siècle. Le sacre, le Johnny est sacré. Le sacre de Johnny. Bah, pour l'an 2000, il va se produire à la Tour Eiffel. Et en fait, si tu veux, c'est l'été 2000. C'est un été quand même exceptionnel. C'est peut-être l'été le plus fantastique qu'il ait fait, parce qu'il va enchaîner donc ce concert à la Tour Eiffel le 10 juin, qui est retransmis en direct sur TF1. Donc là, c'est vraiment, on démarre à l'heure et puis voilà, il faut pas se louper. Hein, c'est sûr. Faut pas faire Vegas. Hein. c'est là, encore frais Vegas, 4 ans auparavant. Tu vois, donc c'est, il fait beau. Il y a, Camus disait hier, il y avait 1 million de personnes. La préfecture a dit 800 000, 1 million. Après, on a dit 600 000. Bon, peu importe, c'était noir de monde. Jusqu'au Champ de Mars, il y avait un monde incroyable, une ambiance extraordinaire. Et donc, il fait ce premier show offert un peu par la mairie de Paris, par Universal et par RTL, sa radio. Donc ce spectacle gratuit absolument magnifique à la Tour Eiffel, qui est un triomphe total, audience télé extraordinaire, 8 millions de téléspectateurs. Je crois que c'est la première fois que TF1 fait un direct sur un concert de jeunes. Ils en ont fait après, mais au Stade de France, ils avaient fait un montage. C'est vrai, le Parc des Princes aussi. Donc là c'est direct. Et l'album est très vite derrière mis dans les bacs, avec une grosse mise en place, oui. Et 5 jours après, on le retrouve au Parc de Sceaux pour son anniversaire. Et là pareil, la soirée a été merveilleuse. Il faisait très beau, il y avait une ambiance formidable, 60 000 personnes, un cadre génial. C'est le même spectacle qu'à la Tour Eiffel quasiment, avec d'autres invités et des duos. Alors c'est vrai, quand tu l'écoutes après, c'est moins passionnant, moins intéressant, c'est moins bon que la Tour Eiffel d'une certaine façon, mais sur place la soirée était géniale. Bien sûr. Était ravis, on a passé une soirée divine, lui était super heureux, c'était un grand moment de bonheur, tu vois. Tous les concerts, dès que tu vis un concert, même si c'est la même playlist, mais il y a une ambiance. Oui, mais après, là, tu fais 600 000 personnes à la Tour Eiffel, tu fais 60 000 personnes payantes au Parc de Sceaux, et quelques jours après, 3 jours après, je crois, retour à l'Olympia. Ouais. Retour inespéré, parce que quand on l'a annoncé, on s'est dit, c'est génial, quoi. Il n'avait pas chanté à l'Olympia depuis 1973. Donc, vraiment, ils annoncent une semaine, plein tout de suite. Et donc, ils ont prolongé. Il a passé tout l'été à l'Olympia. Parce qu'il a fait août, oui, tout à fait. Il est parti fin août au Canada à finir la tournée. Et pendant ses concerts à l'Olympia, comme il y avait des soirées qui étaient déjà réservées par d'autres artistes, il aurait pu se reposer, mais le génie ne se repose pas. Ben non. Il est allé faire quelques stades en province. Donc, ça, c'était très différent de l'Olympia, c'était plus proche de la Tour Eiffel, et d'une certaine façon, il s'est un peu rodé pour ce qu'il allait faire après, mais il fait des concerts en province qui sont sold out dans des stades à Gerland, à Marseille, un monde fou, et il y a un concert qui a dû laisser un souvenir à toutes les personnes qui y étaient, c'est le concert d'Objat. Objat, mais qui connaît Objat? Objat, c'est à 4 km de Brive, en Corrèze. Moi, si Johnny n'a pas fait le concert, je ne connaissais pas Objat. Ben c'est sûr. C'est une ville qui a un petit stade, et ils ont réussi à mettre 15 000 personnes. La ville était entièrement décorée, habillée Johnny Hallyday. Tous les magasins étaient Johnny Hallyday. Et il y a un truc qui m'a toujours amusé, c'est quand les musiciens américains ont débarqué de leur car à Objat, et qu'ils disent Welcome to Objat. Ils ne savent pas où ils sont, et dans ce bled français, et ça a été un concert absolument magnifique. Donc c'est un été magique, et j'ai eu la chance de faire 4 Olympias. C'est des très très grands souvenirs, parce que chaque soirée a été merveilleuse. J'ai fait la dernière qui est toujours évidemment pardon, très émouvante. C'était le 25 août, il me semble. Le 25 août, oui. Il y avait beaucoup d'invités et on sentait très ému. Je crois que Camus était un peu triste d'ailleurs parce qu'il savait qu'il allait perdre son artiste pendant 3 ans parce qu'il avait d'autres projets de cinéma et autres. Il est revenu 3 ans après. Mais c'est un été fantastique. Il y a des témoignages live de cet été puisque la Tour Eiffel est sortie, le Parc de Sceaux est sorti un peu plus tard, et l'Olympia est sorti aussi. L'Olympia, c'est super. C'était un très très bon moment que j'ai passé à l'Olympia. Oui, et puis alors il a les tracklisting étaient quand même différents. Oui. La Tour Eiffel, l'Olympia, il fallait bien que. Bien sûr. Donc quand tu prends les deux concerts, il balaye un certain nombre, beaucoup de titres, et on a eu. Alors on va écouter quelques titres de la Tour Eiffel, et puis. Quelques cris. Voilà. Que Johnny avait retiré l'Olympia. Oui, il a dû chanter peut-être le premier soir. Oui, parce qu'après il a mis Pardon, qui sortait en single. Il a remplacé Quelques cris par Pardon. Mais le Quelques cris de la Tour Eiffel, c'est un moment très fort. Et alors la Tour Eiffel, ce Quelques cris, je l'avais entendu en fait répéter le jeudi soir. Donc le concert était le samedi. Le jeudi soir, je traînais dans le quartier parce que j'avais un ami qui avait un restaurant pas très loin. J'avais dîné chez lui. Et puis je lui dis, tiens, on va aller faire un tour du côté de la Tour Eiffel. Il faisait un temps absolument magnifique dans Paris. C'était génial. Et on est arrivé près de la Tour Eiffel, qui était évidemment grillagée pour qu'on ne pouvait pas approcher, mais des écrans géants étaient là. Et on a vu Johnny dans une forme olympique, décontracté, répéter quelques titres, dont Quelques cris. Là, on s'est dit, attends, ça va donner, quoi. C'est quand même quelque chose. Cette chanson, elle a une force sur le disque, mais sur scène, elle envoie, comme on dit aujourd'hui. Ça change tout en public. Elle envoie. Et à la Tour Eiffel, il a repris 2 titres qu'il n'avait pas fait depuis un longtemps, qu'on aime beaucoup, je crois que t'aimes beaucoup, moi aussi. C'est 2 étrangers. Qu'on va écouter dans quelques secondes. Il n'avait pas fait depuis 81, peut-être 82, il avait fait au Palais des Sports, la première, mais après, il l'a supprimé. Et il me semble qu'il avait fait aussi en 90. Les premiers soirs, oui, il l'a retiré. Il l'a retiré, donc. Pourquoi c'était une bonne question. Pourquoi il avait-il retiré? Après, c'est des questions d'équilibre, de tracklisting et tout. Donc, là, il l'avait remis donc à l'heure du jour. Et puis, qu'est-ce que tu croyais qu'il n'avait pas fait depuis 79, mais qui est une grande chanson de scène, d'ailleurs, qu'il a continué à faire après. C'est ça. Et c'est un morceau magnifique. Ça fait partie des temps forts de cette Tour Eiffel où il y a des images qui me reviennent en tête. Le feu avec les filles du Crazy Horse, c'est magnifique. Pagny, sur la musique que j'aime, et surtout ce guitariste absolument génial, Noël Nofel, qui a 14 ans. Tu vois le regard absolument éberlué des guitaristes de Johnny qui voit ce gamin jouer super bien. Donc c'est un super moment. Il termine avec Aimer Vivre, avant la reprise de Piaf, mais Aimer Vivre qui embrase la Tour Eiffel. Aimer Vivre, c'est un titre qui sur scène aussi a une force extraordinaire. On se souvient des versions de Bercy qui étaient absolument géniales. Et puis c'était un tour de chant qui était très équilibré avec vraiment beaucoup de grands tubes. Il y avait le chanteur abandonné, il y avait Derrière l'amour, il y avait Gabriel, il y avait le bon temps du rock'n'roll, il y avait Allumer le feu, bien sûr, qui en fait démarrait le spectacle. Il avait terminé au Stade de France avec, il démarrait avec Allumer le feu, et son entrée sur scène était spectaculaire avec cette espèce de boule qui s'embrase, qui prend feu, et un Johnny qui les bras en croix tel le Christ contemple la foule qui est là. Dès le début, on s'est dit que ça va être réussi. Et à sortie, alors j'avais la chance d'être invité par Universal, donc j'étais dans un endroit un petit peu privilégié. Surtout, j'avais accès au cocktail VIP après. Et il y avait un sourire. Les gens étaient heureux. Voilà. Tout le monde avait été bluffé par la performance. Il y avait un bonheur qui se lisait dans le regard de Johnny, mais aussi toute son équipe, toutes les gens qui travaillaient avec lui étaient super heureux. C'était merveilleux l'ambiance après le concert. Hein. On n'avait pas envie de partir. Hein. Et cette foule s'est écoulée sans problème. Enfin, il n'y a eu aucun incident. Et ça reste un grand moment de sa carrière. Je te propose d'écouter Deux étrangers. Allons-y. La partie où, en principe, là, il ne se roulait pas par terre, là. Il était debout, là, encore, là. Il va tomber à genoux, quand même. Oh, il va tomber à genoux, oui. Mais en 2012, il fera encore plus fort. Et moi, je voudrais te faire crier. Moi, je voudrais te faire crier. Et te faire mourir encore. Oh, et te faire mourir encore. Oui, t'aimes. Et malgré tout ça, c'était en l'an 2000, le 10 juin, il me semble, c'est bien ça. Hein, le 10 juin, hein, oui, je confirme, c'était la journée de la France, puisqu'il nous avait dit que Mary Pierce avait gagné Roland Garros. C'est vrai. Jour. Et Deux étrangers, c'est une chanson formidable. Bob Seger, Johnny et Bob Seger, c'est toujours formidable. Enfin, toujours. Voilà. Toujours. Alors, j'adore ces chansons avec Bob Seger, oui, justement. Et c'est vraiment une grande chanson de scène. L'Olympia. On y arrive à l'Olympia, vas-y. L'Olympia, j'avais adoré le. J'ai beaucoup aimé le tracklisting, surtout le début du spectacle, puisqu'il démarrait et que Je suis dans la rue. Et après, il enchaînait avec Fils de personne. Et ça m'a rappelé le Palais des Sports 71. Grand souvenir, un spectacle que j'adore, où il démarrait aussi par ces deux titres. Et puis son arrivée du plafond, ouais, ils viennent du plafond, ils étaient sur les escaliers qui descendent avec des images qui sont projetées comme un retour, une grande passerelle, un retour vers le. Il vient du passé et il arrive dans le présent. C'était très très bien mis en scène. J'ai beaucoup aimé l'entrée, moi. J'ai beaucoup aimé cette entrée-là. Elle était toute simple. Ah oui, mais elle était vraiment efficace. Ouais. Et puis bon, le contact avec le public, il était heureux parce qu'il était proche des gens. Il serrait les mains. Puis quand il attaque la musique que j'aime, tout le monde se levait. Donc on allait devant la scène pour toute la fin du concert. Ça rappelait des grands moments du Palais des Sports, par exemple. Oui, oui, oui. On vivait ces moments-là. Et il y a un jour, une anecdote marrante, il y a une brasserie, le brasserie de l'Olympia, je crois, qui est juste à côté. Et donc, j'allais au concert le soir. Mais j'étais arrivé tôt l'après-midi parce que je devais voir, j'avais des rendez-vous. Et je vois un type passer. Je me dis, mais je connais cette tête. Et oui, c'est Chris Pedding. Donc je vois Chris Pedding passer avec sa guitare et tout. Et puis après, je vois arriver Robin Le Mesurier. Il était tôt, tout. Bon, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Et en fait, tu te souviens, ils ont enregistré là avec Armet et Tegen la version de Blue Suede Shoes pour le disque Tribute to Sun Records. Et donc avec ces deux guitaristes. C'est ça. Que, mais quand tu ne le sais pas, tu t'es étonné de voir Chris Pedding passer par là. Et voilà, c'était fait l'Olympia. Donc pendant ce mois de juillet-août. Alors à l'Olympia, il y a eu aussi d'invités, beaucoup de duos, beaucoup de gens qui sont venus chanter avec Johnny. Il y a eu un moment évidemment particulièrement fort, c'est quand France Gall a fait sa dernière apparition en fait sur scène. Elle est venue spécialement à la demande de Johnny, a beaucoup insisté pour qu'elle vienne. Elle est venue faire Tennessee avec lui et ça a été tellement, ça a tellement plu, c'était tellement émouvant qu'elle est revenue le lendemain. Elle l'a fait deux fois. Ça reste les duos qu'on a eu tardivement, mais qu'on a eu il y a maintenant 3 ans quand ils ont fait cette soirée, ce coffret Olympia et cette soirée Olympia. Il y a deux ans. Hein, maintenant. Non. Ah oh, oui, au moins parce qu'avec le Covid. Il y a deux ans. Oui, 2019. Oui, c'est ça. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Donc ce que, ouais, on a donc tous les duos, enfin, presque tous les duos avec Obispo, avec Bruel, et puis avec France Gall, donc sont sortis, ont été publiés. Donc et l'Olympia, c'est une scène où il avait évidemment connu des moments de tout son démarrage, en fait, 61, 62, 64, 65, 66, 67 avec Sylvie. Il était revenu en 73 faire 5 jours pour Bruno Cocatrix qui avait des problèmes financiers. Exactement. Là, c'était un show, il n'y a pas de mise en scène, il y a une première partie, il y avait Love Machine, il y avait Michel Mallory et tout ça. Et de le revoir sur cette scène pendant 2 mois, hein, quasiment 2 mois, ça a vraiment été une idée géniale, quoi. Ça a vraiment fait plaisir. Il y est revenu après dans le cadre du Flashback Tour, mais bon, c'était un petit peu différent. Là, on était sur vraiment un show absolument magnifique. Et moi, je me souviens du duo que j'avais eu le soir où je suis allé le voir. C'était avec Patrick Bruel, Gabriel. C'est souvent avec Patrick Bruel. Ah oui, il n'a pas fait qu'une fois. Tiens, on va écouter tout de suite à l'Olympia, à propos de mon père. Voilà, ça c'est la pépite de l'Olympia, parce que quand il a chanté ce titre, personne s'y attendait. Et c'était une merveille, cette chanson. C'est une très très très grande surprise. Et ça fait très bien, parce qu'il ne l'avait jamais chanté sur scène. Jamais. Il l'est fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant. Pour ce faire que je n'ai pas eu. quitte l'année 2000, bon, on va partir tout de suite maintenant dans l'année 2003. Johnny va fêter ses 60 ans. Oui, alors là, c'est aussi un grand moment dans sa carrière, parce qu'il va faire ce qui n'a jamais été fait depuis par aucun autre artiste français. Mylène Farmer va en faire quelques-uns, et je crois Soprano en fait quelques-uns cet été, mais il va faire une tournée des stades, donc une tournée à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire là, vraiment, avec deux scènes, parce qu'il faut monter, démonter, etc. Et donc, il ne fait que des stades dans toute la France. Il passe en Belgique, il passe en Suisse aussi. Et il fait 4 Parcs des Princes. 4 Parcs des Princes, c'est un de plus qu'en 1993. Et en fait, il débute à Nancy, je crois. Il fait une répétition à Nancy juste avant le parc. Il est parti à La Réunion avant. Ah oui, il arrive effectivement aux États-Unis. Il fait deux concerts à La Réunion. Et puis après, il fait un concert à Nancy où là, ils ont dû régler quelques détails, notamment l'entrée en scène. Et puis le rendez-vous, c'est Paris. Paris avec 4 concerts, dont un qui est retransmis par TF1 pour le jour de l'anniversaire. Et évidemment, Johnny a soigné son entrée. Alors, il était rentré par le fond du stade la première fois, ben là, il apparaît sur le toit. Et donc, il descend très lentement d'un bras articulé, une nacelle qui l'amène lentement sur la scène avec une tenue inspirée de Matrix, grand cap, et puis il commence à chanter, mais il n'a pas besoin de chanter parce qu'il démarre par Que je t'aime, parce que c'est un choix original, puis il n'avait jamais démarré un spectacle par Que je t'aime, et là bon, il n'a pas besoin de se chanter parce que tout le public chante pour lui. Voilà. Et donc ça a été aussi, alors les gens de Boulogne avaient gueulé parce que ça faisait 3 concerts de suite le 18, 19, 20 juin 93, ça faisait quand même beaucoup de bruit, beaucoup de bazar dans la ville. Donc ils avaient obtenu qu'il y ait 2 concerts de suite, pas plus, et donc des journées de repos et à nouveau 2 concerts. Donc tu dois avoir mardi, mercredi, repos jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Ça doit être ça. Et le premier soir, ça s'est pas trop vu, mais il y a eu plein de problèmes techniques. Il y a un groupe électrogène qui a pas fonctionné. Et Noah qui faisait la première partie, c'était un choix assez judicieux d'ailleurs, parce que Noah c'est une vraie bête de scène. Il s'est chauffé une salle. Et donc il collait très bien avec. C'est rare de voir une première partie de Johnny qui plaît aux gens et qui se fait applaudir. Et ça a été le cas de Noah, mais il a chanté premier soir sans lumière, avec un minimum de technique, et ça n'a pas dû être très confortable pour lui. Et Johnny, après le premier concert, le lendemain, a réuni tout le monde au stade et a dit il a gueulé parce qu'il n'était pas content du premier concert. D'ailleurs, le deuxième soir, c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, c'était donc un show qui a présenté des titres de son dernier album, À la vie et la mort, qui avait été un gros succès. Il avait notamment au début, en tout cas, repris le titre d'Axel Bauer. Tu vas m'aider à le trouver. De la vie à la mort. Et je l'ai pas en tête. Mais, ah, ça y est, je l'ai perdu. Tu vas le trouver. Et je l'avais rencontré dans un cocktail peu de temps avant. Et il m'avait dit oui, je vais remplacer le bon ton du rock'n'roll par cette chanson d'Axel Bauer. J'ai rêvé de nous, voilà, merci. Donc il l'a fait 2 soirs et puis il l'a arrêté. Oui. C'est dommage, moi c'est un titre que j'aime beaucoup. Et même la retransmission en télévision, ils l'ont diffusé, mais ça a été coupé par la publicité, un truc comme ça. Hein, ou à la radio, il y a eu un truc comme ça. La radio probablement, parce que comme j'étais sur place, j'ai pas vu. Moi j'ai fait les 4 concerts. T'as fait les 4, pourtant le 15 il avait chanté. Hein. Je crois pas, non. Je crois qu'il a chanté les 2 premiers soirs. Parce que je m'en souviens de celle-là. Enfin, bon. Mais en tout cas, retransmission radio. Elle n'est pas dans les lives, donc elle n'a pas été captée. Elle sortira peut-être un jour, ça peut faire l'objet d'un bonus, parce qu'elle existe. De plus, pourquoi l'avoir retirée alors? Ah bah, parce que je pense que le public n'accrochait pas et que ça répondait pas à ses attentes. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça fonctionnait pas. Parfois, il a envie de certains titres et puis le public ne réagit pas. Hein. Donc, un concert aussi avec des invités. Alors, je trouve qu'à chaque fois, le niveau des invités baisse un peu, c'est-à-dire que là on s'est quand même farci Jennifer, Isabelle Boulay. Ah, Isabelle Boulay, t'as bien aimé. J'aime bien Isabelle Boulay, et surtout de toute façon il fallait une voix féminine parce qu'il avait fait il avait repris le duo de Goldman, donc oui. il fallait une fille, et pour la première fois d'ailleurs chanter en français, entièrement en français. Il y avait Natacha Saint-Pierre aussi. Et puis il y avait Gérald de Palmas qui était venu faire l'instant Martin avec exactement, lui. Exactement, c'est qu'on entendait, oui. Je crois qu'on a eu aussi Marc Lavoine, oui, bien sûr. Qui a participé sur l'album À la vie et la mort. Et puis, c'est catastrophique, le 15 juin, la malheureuse prestation de Renaud, qui était tétanisée et qui était tétanisée. C'était terrible, c'était terrible. Enfin, bon, bref, tout au long de la tournée, Eddie Mitchell, Hugo Frey, sont venus chanter avec lui. Et alors, surtout, si tu veux, cette tournée des stades, elle se déroule dans un contexte quand même qui est compliqué. D'abord, c'est la canicule sur la France, il fait une chaleur à crever, et surtout, c'est la grève des intermittents du spectacle. Et donc, tous les festivals sont annulés, et je crois que Camus était très malin, il a négocié avec les intermittents, en les associant d'une certaine façon à la tournée, et il n'a pas eu de problème. Enfin, tout s'est très bien passé. Mais l'environnement était assez lourd. Oui, tout à fait. Mais moi, je me souviens que même, on ne savait même pas si les camions allaient parvenir sur Bordeaux, par exemple, Exactement. Donc, ce qui est j'ai vu aussi à Bordeaux. Donc, j'étais venu le voir à Bordeaux, au stade Chabon-Delmas. Voilà. Il a dû rentrer sur scène pas avant 11h du soir, parce que il a attendu quand même que la nuit tombe. C'est vrai que c'est plus sympa pour un concert le soir. Mais ça avait été un super concert à Bordeaux. Hein. J'avais vraiment apprécié. J'étais très bien placé. Et j'ai trouvé déjà que c'était plus rodé qu'au Parc des Princes. Ça tournait mieux. Et ça tournait vraiment bien. On avait passé une très très belle soirée. Je confirme. Hein, tu te souviens. Et donc cette tournée 2003, cette tournée des stades a été un énorme succès populaire parce qu'il a dû doubler certaines villes. Je crois qu'il a fait deux fois Lyon, il a dû faire deux fois Nantes. Rends compte, il faut la Beaujoire à Nantes, c'est 35 000, 40 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 80 000 personnes qui sont venues le voir. Là, c'est des chiffres absolument vertigineux hein, pour la France. Et donc une tournée triomphale, qu'il a en fait prolongé avec une deuxième tournée différente, plus près de vous. Donc ça, c'est une tournée hivernale, donc dans des salles à dimension plus humaine, même si les Zénith c'est grand et le Cybercy c'est grand. Tu veux qu'on en parle tout à l'heure? On va écouter le petit Médé Rock'n'Roll et après on va venir à cette tournée près de vous. Tout à fait, ouais. Johnny, Rock'n'Roll Medley. Down, step on my face, sound in my name all over the place. Doing the thing that you wanna do. Honey, how can I choose to love you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything. Step on my blue suede shoes. Steal my car, drink my liquor from my whole food truck. Doing the thing that you wanna do. I'm only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, step on my blue suede shoes. All right. Party show, get it ready now. Go, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, take off of my blue suede shoes. Well, it's a blue suede shoes. A blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. A blue suede shoes. Do anything, but they out of my blue suede shoes. Hallelujah, quittons le Parc des Princes pour aller direction la tournée, on va dire, d'automne, automne-hiver. Oui, oui, la tournée automne-hiver, la province, ça se termine à Bercy, ça s'appelle encore voilà. Bercy à l'époque, par quatre concerts mémorables, c'est la tournée plus près de vous. Dans cet été 2003, il y a eu deux pépites, il y a eu Essayer. On va écouter tout à l'heure, qu'il a chanté à la fois au Parc des Princes et puis dans cette tournée. Ouais. C'est un titre qu'il n'avait pas fait depuis tellement longtemps. Une petite merveille donc de Labro et de Mickey Jones, Tommy Brown. Et puis, la surprise de cette tournée d'automne, Le Cœur en Deux. Tout ça a mis du temps à sortir, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh oui. Puisque ce n'est que l'année dernière qu'on a eu, cette année qu'on a eu le DVD. Oui. On avait eu le live pour les fêtes de Noël de l'année dernière. Et bon, bah, c'est une époque aussi compliquée parce que Johnny rentre en guerre avec Universal et que les relations se tendent sérieusement avec le boss de l'époque d'Universal et que ça n'a pas facilité les choses. C'est pour ça. Voilà, l'histoire, en gros, c'est parce qu'il y avait tension. Alors, Universal disait que c'était en gros presque la même setlist, donc ça servait à rien de faire un doublon. C'était l'avis et de Camus et de Pascal Nègre. Voilà. Ça, c'était pas faux, mais ça l'a pas gêné. Le pays de Johnny, rien à foutre. Bien sûr. Il voulait les deux tournées, deux spectacles. Mais en même temps, la guerre a été déclarée, si tu veux. Donc, c'est surtout tout ça, oui. Ah bah ça, c'est. Ça a été déclaré en juillet 2003 en plus. Ça, c'est. Oui, je crois que c'est ça, en juillet. Mais ça s'est monté très nettement en septembre avec des échanges de courriers et tout ça. Bon. Ouais, c'était l'histoire ancienne. Mais tournée très sympa avec aussi là une autre mise en scène avec plus d'orchestre symphonique, donc plus rock dans le son, avec quelques titres qu'il avait remis comme Je suis dans la rue ou Je la crois tous les matins. Et puis donc Ce cœur en deux avec un arrangement d'Ivan Cassar que moi je trouve formidable parce que je préfère cette version là, une version très studio. Loin la version studio. On écoute un extrait ? Ah bah oui. Allez. Ta main est toujours sur ma peau. Je confonds bonheur et douleur entremêlés dans un sanglot. En voyant s'enfuir tes cheveux. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça, mais c'est pas grave, Jean-François. Je peux enchaîner sans regarder mes lunettes. Merci beaucoup. Johnny Hallyday, à l'instant, avec le cœur en deux. la grande surprise de ce Bercy 2003. Et on va enchaîner. Alors, il va raconter que c'était Laetitia qui lui avait soufflé le cœur en deux. Mais je dirais toujours raconter beaucoup de choses ici. Oh, mais c'est ça. Mais on va passer ça. Et on va écouter tout de suite Essayer. Ouais. Écoute, et alors ce qui reste évidemment aussi en mémoire de, pour les gens qui ont eu la chance d'aller à Bercy, c'est le dernier concert où il met le feu au piano et nous fait des plans à la Jerry Lee Lewis. Donc ça, c'était son rôle à Shaking Guillaume. Mais alors c'est dommage parce que bon, ils ont capté le samedi, ils ont enregistré le samedi avec très bon matériel. Et donc, la version piano, enfin le piano, c'est un bonus sur le DVD, oui. Qui est un peu moins bon parce que la qualité technique de l'enregistrement est moins bonne que celle du samedi. Mais c'était la folie dans Bercy. C'était un truc de non, il est vraiment, c'était quatre concerts incroyables. Non, et puis on voit dans le making of la préparation du piano, le faux piano qui prépare. Et dans le making of, tu vois, si je me souviens bien, mais c'est Johnny apporte des idées dans la construction du spectacle et tout. Il évoque des trucs, c'est marrant de se souvenir de certaines choses qu'il met en réunion de production sur la table. Hein. Alors, il met beaucoup de choses. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai lu récemment. Je ne sais plus ce que j'avais lu récemment, mais on voit très bien que Johnny était très très très impliqué, aussi bien même dans les chansons. Dans les chansons, il était très impliqué, comme il était impliqué dans les spectacles. C'est pas quelqu'un qui disait tu me fais, j'ai tout clé en main, moi j'ai juste à chanter. Non. Il apportait vraiment son avis sur le tracklisting, bien sûr. Et puis s'il voulait pas, hein, il lui faisait pas. Mais évidemment, il peut pas satisfaire tous ses fans qui auraient aimé entendre telle ou telle chanson, et on fait partie de cela, mais c'est comme ça. On ne fera pas attention. Voilà, on parlera pas du classement de nos 50 chansons préférées de Johnny Hallyday. On va enregistrer demain, tiens. Tu le fais assez bien avec Francis Chaillet. Donc demain, on va enregistrer avec Francis et on va faire une spéciale. Il y aura 3 auditeurs. Qui vont faire l'émission. Nous, on va pas intervenir. On va les faire commenter leur choix. Oui. On a choisi des titres qu'ils avaient mis dans leur sélection et qui nous paraissent, en tout cas, originaux. Et chacun aura son top 3. Ah, j'ai vu ça un peu. Oui, c'est original. C'est assez original, leur classement. Oui. Mais c'est là que tu vois toute la variété, la richesse des goûts des gens qui aiment Johnny Hallyday. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes goûts. Il n'y a pas de classement identique. Donc, chacun a son Johnny. C'est ça. À son Johnny. Exactement. Et ça, il faut respecter ça parce que. Et pour lui, satisfaire tous les goûts de son public, ça n'était pas facile. Donc forcément, il y avait un consensus sur un certain nombre de chansons. Et parfois, il y avait des surprises. Et à propos de mon père, on est un exemple magnifique. Et comme Le Cœur en deux, ou comme même Essayer sur cette tournée 2003. Il est vrai, hein, comme tout à l'heure on avait diffusé Que je t'aime en début d'émission. Et alors c'est vrai que des fois il aurait pu zapper la chanson parce que même aux États-Unis il aurait pu la zapper. Ouais, c'est là, il était pas obligé de la faire aux États-Unis. Dans un spectacle rock'n'roll, pourquoi mettre Que je t'aime. Il y a 2-3 titres surprenants, 20 ans par exemple. Voilà, aussi. Qui met Tennessee, c'est beaucoup plus folklorique, américain, Tennessee, mais mettre Que je t'aime ou 20 ans. C'était un peu surprenant. C'est ça. Ouais, c'est comme ça. Et les spectacles où il a vraiment fait la thématique pure et dure, c'est le Théâtre de Paris pour ses 70 ans. Là, vraiment, la sélection, il n'y a rien à dire. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Un peu plus tard. Il a essayé de faire à Vegas. Oui. Ça n'a pas pris, c'est moins qu'on puisse dire. Mais voilà, c'est assez rare. Et en fait, après Vegas, la leçon, ça lui a servi de leçon. Et il y a toujours, après Vegas, une sélection de titres incontournables qui sont dans ses spectacles. Et autour de ça, il construit. Mais toi, Que je t'aime, il y a des spectacles où il ne l'a pas fait. Là, au Bercy 95, il ne fait pas Que je t'aime, mais on s'en passe très très bien. Hein. Il ne l'a pas fait. Oui, bien sûr. Mais il a vu un peu qu'avec en 98, et puis après, les années suivantes, il a laissé parce que le public chantait et il voulait en gros qu'il y avait vraiment une interaction public-chanteur. Oui, et puis en 98, il y a cette séquence symphonique qui renouvelle musicalement un certain nombre de titres, et notamment Que je t'aime. Donc c'est. Mais que je t'aime était redonné. C'est, la carrière de cette chanson, finalement, elle est quand même extraordinaire. Parce que quand tu vois de succès en 69, un nouveau succès en 87, avec Ambercy, La Réarrange, et puis après, c'est vraiment un titre plageur. Et moi, il n'est pas dans mes 50 chansons préférées. Toi. Mais moi non plus. Non. Voilà, nous, on est beaucoup plus rock, country music, et puis on a notre période aussi. Hein, 66, 76, ouais. Cette période-là. Oui, mais que je t'aime, c'est 69. Oui. Bon, en fait. Il y a des exemples comme ça qu'on peut se passer, dont on peut se passer. Mais bon, c'est les Johnny, c'est si on parle de Johnny Hallyday, je suis sûr que la première chanson qu'on va leur dire, c'est soit la musique que j'aime ou que je t'aime. L'envie, ma gueule, allumer le feu. Allumer le feu, c'est incroyable le nombre de jeunes. De jeunes, j'allais dire justement, la jeune génération qui connaissent ce titre et qui, quand on leur parle de Johnny Hallyday, c'est allumer le feu. Et si on parle de la publicité justement service téléphonique. Voilà. Un opérateur téléphonique avec la musique que j'aime. Ouais, avec la musique que j'aime, oui, effectivement. Ça, au moins, il y a de la promo là-dessus à la télé. Ça passe, parce que je trouve que certains produits qui sont sur le marché actuellement manquent cruellement de campagne télé. Oui. Par contre, Bouygues Télécom, ça m'attraque. On est en train d'écouter actuellement Essayer qui doit donc être chanté donc au Parc des Princes. Et puis c'est vrai que ce retour de Essayer qui n'avait pas chanté depuis 1971, même voire jusqu'en 72, il a dû. Oui, il l'a fait dans le Johnny Circus. Oui, il l'a fait dans le Johnny Circus. Mais il n'y a pas d'enregistrement. Ça va être compliqué. Ne demandez pas à Jean-François qu'est-ce qu'il compte faire pour l'album. S'il y a un livre disque country rock folk et qu'il y a le Johnny Circus, ne demandez pas. On n'en sait rien. Mais on attend l'album, on attend le livre disque Vie. Ah oui, c'est celui-là. Celui-là, depuis le temps qu'on en parle. Voilà. Ça devenait presque l'Arlésienne, celui-là. Voilà. Mais non, il va venir. on a déjà un titre. Donc ça devrait arriver. Si on revient sur le 45 tours qui va sortir avec Pour moi, tu es la seule, donc on a la 163, la 170, et je crois que c'est la deuxième version, il y a un troisième titre. C'est deux versions de 103. Oui, alors. Enfin, il y a la version qui est sortie sur le, en 64 avec Les Mauvais Garçons. Oui. Donc elle est enregistrée, je crois, de mémoire, pas sur des bases orchestres de Nashville, mais il a refait ses bois à Paris. Il avait enregistré une version à Nashville en 63, qui était sorti dans le livre de Gilles Paquet en 93. Tu vois ce livre qui avait métal avec une pochette en jean. Oui, il y avait un disque dedans. Et il y a cette version de Pour moi, tu es la seule. Je m'en souvenais pas de ça. Nashville 63. Et elle est ressortie aussi. On l'a mis dans la collection. La collection des 50 albums. Okay. Elle est dedans aussi. Donc c'est les trois titres. Alors, d'accord, ok. J'avais pas fait la liaison. Après, ils ont fait des choix. Ils auraient pu mettre aussi la version de Bercy en 92. Il ressort ce titre un petit peu derrière les fagots aussi. C'est ça. Voilà. Donc il le fait à Vegas aussi. Mais la version de Vegas, elle est un peu difficile. Oui, je sais que tu l'apprécies beaucoup. Ah, mais j'aime cette chanson. Mais la version de Vegas, ouais, tu m'as déjà dit que non. Oui, il a fallu la raccourcir. On arrive à la fin de la période 2003. Johnny qui avait fêté ses 60 ans. Il a fêté ses 60 ans, puis il va quitter Universal en 2005. Et il va donc rentrer dans une autre maison de disques, Warner, et il va revenir sur scène en 2006. 2006 pour 112 représentations. Grosse tournée. Toujours avec Jean-Claude Camus. Et une tournée qui s'appelle Flashback. Oui. Et Flashback, c'est pas un flashback dans ses chansons, c'est un flashback dans les salles où il a chanté, puisque il va démarrer cette tournée. Et ça, alors là ça a été aussi pour moi un moment très fort, c'est qu'il démarre cette tournée au Palais des Sports. Donc c'est un retour aussi au Palais des Sports. C'était le 2 juin. Où il n'a pas chanté depuis 82. Voilà, le 2 juin 2006. Et donc avec un décor. Inspiré du film Metropolis de Fritz Lang. Fritz Lang, voilà, avec toujours ce côté un petit peu guerre, bombardement, etc. C'est ça. Et bombardé, voilà, un truc comme ça. Et donc très, très très très bonne série de concerts avec là encore une énorme surprise, le retour d'un titre qu'il avait chanté en 69 au Palais des Sports, Rivière Ouvre ton lit, du mythique album du même nom, super version avec des lumières magnifiques. Moi j'avais adoré, mais alors j'ai eu l'impression autour de moi que les gens se demandaient ce que c'était que cette chanson. Exactement, c'est ça. Comme je dis à chaque fois que je diffuse cette chanson là, je dis je suis ébahi par le fait comment les gens ont reçu cette chanson là. Il y a beaucoup plus d'applaudissements pour Marie quart d'heure avant, 20 minutes avant, oui. Et quand on a Rivière ouvre ton lit, un simple applaudissement. Ça s'explique quand même très bien. Oui. Bon, Marie, je suis d'accord. On sait tous les ventes que ça a fait, c'est récent, tout le monde l'a en tête. Rivière ouvre ton lit, si tu découvres Johnny, comme beaucoup de gens à l'époque de Berger et de Goldman, ou je sais pas, au début des années 80, et c'est un titre de 69 qui a complètement disparu. Donc il faut avoir l'album, il faut aimer cette époque-là pour connaître ce titre, qui de toute façon il ne fait pas sur scène. Alors contrairement au Voyage au Pays des Vivants. Voyage au Pays des Vivants, il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. Voilà. Et donc là, non seulement il fait Voyage au Pays des Vivants, mais il fait aussi Rivière ouvre ton lit. Donc l'album, ce fameux album Rivière, avec Je suis dans la rue, il y a trois titres, donc il est fortement représenté. Et après tout, c'est bien mérité, puisque son premier Palais des Sports, c'était la grande messe au Palais des Sports, c'était en 69, et cet album est sorti à ce moment-là. Donc c'est vraiment tout à fait cohérent, logique. Et moi, j'ai pris un pied gigantesque en entendant ce titre, et j'entends actuellement le choriste de Ray Herman à la flûte. De façon, Just Road Tool. Ah, c'est génial. Ah, j'étais fou quand j'ai entendu cette chanson. C'est fou. Mais oui. Mais oui. Écoutez, appréciez. Écoute. Tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Ce soir, je veux toucher entre tes bras de la peur de le bruit. Si je ouvre ton lit, descendre au fond de toi, et dans ta bouche je veux laver mon corps. Je veux toucher le fond de mon malheur. Je veux toucher le fond de ton cœur. Et le détonnant Rivière ouvre ton lit, c'était au Flashback Tour au Palais des Sports en 2006. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est dommage, hein, après il a enchaîné avec Mon plus beau Noël. C'est ça, après, c'est le soufflet. C'est quand même un peu, c'est un peu un choix étonnant, quand même. Mais bon. Là, on écoute le bon temps du rock'n'roll qui était en première partie de ce concert. Ouais, ouais. Et comme... C'est un concert qui bizarrement, sur la fin, manque un peu de nerfs. Parce qu'il termine avec des titres, c'est Que je t'aime, c'est Si tu pars, c'est La quête, magnifique, mais La quête, oui. Mais il y a derrière l'amour Que je t'aime, Si tu pars dans les toutes dernières chansons. Un peu, manque, ça manque un peu de rythme et de rock'n'roll sur la fin. Attends, je retrouve tout, toi. Alors, on va dire en gros, oui. Alors, après, arrivé vers ton lit, on a de suite Mon plus beau Noël qui vient casser le truc carrément. Ah, carrément. On est sur dynamique, ouais. Mais vraiment. Il nous a fait voyager au pays des vivants, il nous a fait allumer le feu, il nous a fait un blues surprenant seul au Bobby Dallac. Qui était une création. Et puis, donc, ce Rivière qui quand même envoie. Et puis derrière, Mon plus beau Noël qui vient tout casser. C'est pas à tout casser. Même si on adore Fred Blondin, mais bon. Ah, mais il a fait mieux, oui. Après, on enchaîne avec O'Carroll, Honky Tonk Woman. Alors ça, c'est, oui, c'est pourquoi le refaire une deuxième fois. Il l'avait fait à Bercy en 90. La version était, je préférais celle de Bercy 90 d'ailleurs. Bon, mais toi, il aurait fait au Majoli Sarah, au Palais des Sports, ça aurait été. Oui, oui. Bon, là, après, je te dis, c'est l'occasion de chanter encore une fois avec Amy Keys. C'était l'occasion de chanter avec elle à ce moment-là. Après, on enchaîne avec Derrière l'amour, Gabriel. Et incontournable, inévitable Gabriel, qui l'a suivi partout, cette sacrée Gabriel. C'est vrai, et après Que je t'aime, Si tu pars, et La quête. Oui. Très belle interprétation de La quête, la chanson de Jean-Des Barbrel. C'est la grande surprise, ouais, oui, c'est la grande surprise, La quête. De... Oui, c'est-à-dire que c'est dans la lignée des grandes chansons qui reprend en fin de spectacle. Des chansons de Piaf, d'Aznavour ou autres, donc là, c'est une chanson interprétée par Brel. Donc c'est bien, c'est un bon choix. En plus, il chante merveilleusement bien. Mais Que je t'aime si tu pars, à la fin, c'est étonnant, quoi. C'est pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, mais sinon, quand même, ça reste un grand moment. Ah, et puis toute la tournée en fait derrière, donc il a enchaîné donc la province, mais il a fait aussi le Zénith, Bercy, l'Olympia, la Cigale avec un tour très très rock'n'roll, beaucoup plus rock'n'roll, et un invité de marque puisqu'il avait chanté avec Chris Isaak, Blueberry Hill, classique de Fast Domino. J'ai une grande affection pour Chris Isaak, j'adore cet artiste, ce chanteur. J'adore aussi. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène à Paris et je possède quasi totalité de ses disques, donc j'étais très très content qu'il chante en duo avec lui. Donc il a fait toutes ces salles. Le Zénith, c'était un retour parce que ça lui avait pas laissé un bon souvenir son dernier passage au Zénith. Oui. Donc c'était bien qu'il revienne dans cette salle. Alors j'ai fait toutes les salles, hein. J'ai fait le Zénith, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait Bercy, j'ai fait la Cigale, j'ai tout fait. Je crois que ça doit être la tournée où j'en ai vu le plus. Mais voilà, c'est des beaux souvenirs quand même. Hein. J'ai pas été très gourmand, pas aussi gourmand que toi. J'en ai fait que trois, moi. Ouais, t'as fait la patinoire? J'ai fait, oui. Écourtée. Ah oui? La patinoire écourtée. Pourquoi? Il était malade? Il était malade, ouais. Ah merde. Il était malade, le concert a duré 1h30 à la patinoire. Ah oui, d'accord. Ah, la semaine prochaine, j'ai interviewé Thibaut Geffrotin et on en a parlé de ça, justement, de ce concert-là. Pourquoi Thibaut était à la patinoire? Non, lui, il devait le voir à Toulouse le lendemain. Ah oui, parce qu'il est pas loin, oui. Et c'était annulé. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas eu de chance. Ou à Pau, au Tarbes, il devait le voir. Enfin voilà, mais oui, c'était annulé. C'est peut-être Pau parce qu'il est pas loin. Voilà. Et il fait souvent Bordeaux-Pau en même temps. Ouais. Et moi, après, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu à Paris, au Palais des Sports. Le 15 juin, je suis allé voir au Palais des Sports. Ah, c'était le jour anniversaire. Le jour où il est enregistré. Oui. Le jour où il est enregistré, je l'ai vu à Bordeaux. Donc, concert raccourci parce qu'il avait une trachéite. D'accord. Et après, je l'ai vu. Le concert de Toulouse qui a été annulé aussi, je l'ai vu. Qui était la dernière. Sa dernière date de la tournée Flashback Tour, je l'ai vu à Toulouse. Moment superbe également. Là, c'était. C'était une tournée énorme. Hein. Ah ouais, il a fait un 112 dates dedans. Ouais. Et vraiment, mais là, tu voyais vraiment que tout le monde se relâchait, tout le monde jouait, tout le monde. Mais c'était. Ils jouaient tous à l'unisson et vraiment, ils avaient une joie de jouer. Et puis, ils savaient très bien que c'était la dernière date du soir. Dernière, c'est super de regarder. J'ai plus en tête, je crois qu'il a fait je ne sais combien de concerts à Bercy. Il a fait des allers-retours à Bercy. Enfin, il est venu deux fois au moins dans toute la tournée. En tout cas, il y a un Bercy qui a été diffusé sur TF1. Oui, avec des duos, tout pareil. Avec Amel Bent, par exemple, avec Sur Allumer le Feu. Et par exemple, oui. Ah oui, c'était présenté par Benjamin Castaldi. Oui. Ça, c'est. Mais je crois qu'après, donc l'année suivante, en fait, parce que la tournée s'est allée sur 2006-2007, je crois qu'en 2007, il est revenu à Bercy aussi, j'avais été le voir aussi. Oui, c'est ça, il a fait, en février, il est revenu. Ouais, c'est ça, oui, c'était des... Alors j'ai regardé un souvenir de ses concerts de Bercy 2007, mémorable aussi, mémorable. Vraiment, c'était une super tournée, grand, là aussi, un triomphe au plan de l'affluence, c'était colossal, quoi. Une énorme tournée. Ah bah, comme on a dit, hein, les années 2000, vraiment, c'est Johnny Superstar. Ah, oui. Ça, il est indétrônable. Et si on passait à des, l'année suivante, enfin pas les années suivantes, 3 ans plus tard. Eh ben oui, parce que passer... c'est un petit peu un cycle, finalement, 2003, 2006, 2009. C'est ça. Johnny Hallyday, en 2009, ah là Johnny là. Annonce que l'année 2009, c'est, oui, même le Tour 66 sera sa dernière tournée. Tu as cru? Non. Ah bon, rassure-moi. Non, j'ai pas cru. Pourtant, il est très mollo dans la voix quand il les annonce ça, oui, chez Claire Chazal. Ah, mais quand il dit un peu, je vois pas, mais j'ai pas vu mon fils, bien mon sûr, premier oui. fils, ma fille grandir. Là, maintenant, je veux les voir. Non, t'y crois pas, on se dit, mais tu sais très bien qu'il ne peut pas vivre sans la scène. C'est impossible. De toute façon, on l'a vu après. Oui. En 2011, on l'a vu après qu'il pouvait plus se passer de la scène. De son public, il pouvait mais pas. Mais en tout cas, l'argument avait un certain point marketing parce que ça, évidemment, rempli très très vite, la billetterie s'est déchaînée, s'est rempli les salles très très vite, notamment le Stade de France puisqu'il va se produire en 2009 au Stade de France. Et là aussi, alors là il fait appel à un nouvel arrangeur qui est Philippe Kuminski qui a en fait réalisé l'album Ça ne finira jamais, ouais, qui est précédent, et c'est lui qui va diriger le groupe sur scène. Je crois qu'il rentre sur Ma Gueule. Oui, c'est ça, la batterie qui descend. La batterie qui descend, et donc les lumières, enfin, un rideau de lumière finalement, et là, la voix d'une puissance phénoménale qui enchaîne, qui attaque avec cette chanson, qui est quand même pas une chanson facile hein, pour démarrer. Enfin, en général, il vaut mieux avoir la voix qui soit un peu chauffée, mais oui, c'est lui, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'envoie dès le début? Il y a un super medley, super séquence unplugged, je trouve, sur cette tournée. Il reprend I Got a Woman. J'adorais. Quand il a repris I Got a Woman, ça j'ai adoré. Et ainsi que la Terre Promise, c'est ce qu'on entend. Qu'on écoute, ces deux titres-là, I Got a Woman et puis la Terre Promise, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Qu'on écoute en ce moment. Et puis moi, il m'a foutu des frissons, mais vraiment à chaque fois que je l'ai entendu, quand il termine avec Et maintenant, cette chanson de Beko, cette merveilleuse chanson de Gilbert Beko, il se l'est appropriée de façon incroyable, et il maîtrise, il domine, il l'interprète, c'est exceptionnel. Et franchement, moi je suis venu aussi à Bordeaux le voir, cette tournée, on était avec quelques amis, on était plutôt au milieu du stade, près de la petite scène. En fait, oui, bien sûr, oui. Donc là, on a bien apprécié la séquence unplug. Et comme Bordeaux, c'est quand même moins grand que le Stade de France, une dimension plus humaine, on va dire. D'ailleurs, le décor était quand même plus adapté à ce type de stade qu'à l'immensité du Stade de France, où il était un peu perdu dans le gigantisme. La scène, là, à Bordeaux, c'était, puis dans les autres villes de province, c'était idéal. Et quand il chante maintenant, j'écoute régulièrement cette chanson. Et bien maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Un peu à la boléro, un boléro de Ravel, tu vois. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que vous êtes partis? Toutes ces nuits, qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire vers quel néant me glissera ma vie. Tu m'as laissé et la terre entière, mais la terre sans toi, sans toi c'est tout petit. Pour mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, de nuits entières. Et au matin, moi je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur. Eh oui, plus rien. Plus rien, plus de son. Plus de son à la radio. Vous écoutez RIG, la radio de Junaïdé tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et je suis avec mon invité Jean-François Chenu qui nous présente, entre autres, hein, évidemment, c'est l'actualité du moment. Johnny, ses concerts, ses plus belles histoires. Non, sa plus belle histoire d'amour. C'est plus belle histoire d'amour. Donc, texte de Jean-François et des photos de Michel Leclerc, de très très belles photos. J'adore les photos des années 70, 80, là. De toute façon, c'est de 69 jusqu'à 2017. Absolument. Première messe, premier grand spectacle au Palais des Sports jusqu'au Vieille Canaille. Voilà. Et puis ce soir, on parle avec Jean-François donc de la émission deuxième partie, Johnny Hallyday, de ses concerts de 2000 à 2017. Et là, Jean-François, nous sommes en 2012. Oui, alors on sait tous comment malheureusement 2009 s'est terminé. Oui. Tout ce qui s'est passé derrière. Et donc il va falloir 3 ans pour que Johnny se remette en forme et revienne sur scène. Si mes souvenirs sont bons, il revient à Montpellier. C'est là qu'il va avec M. Plusieurs spectacles. Alors il vient, oui. Alors, il réapparaît deux fois avec M. Deux fois avec M. Deux fois avec M. Mais sa tournée, sa nouvelle tournée, Backstage. C'est au mois de mai. Mais il démarre à Montpellier. Oui, avec, c'est ça. Avec trois dates, je crois. Oh oui, au moins. Moi, je me demande s'il n'y en a pas fait un peu plus, mais bon, peu importe. Trois ou quatre. Voilà, il va aller au Stade de France. Il va faire des festivals et c'est une tournée. C'est la première tournée qui n'est pas depuis longtemps, en tout cas, organisée, produite par Jean-Claude Camus, puisque ils se sont fâchés. Et donc, il est allé chez le frère ennemi, puisqu'il est allé chez le beau-frère de Jean-Claude Camus, qui s'appelle Coulier, Gilbert Coulier, grand producteur. Mais au début, Camus avait démarré avec Coulier, c'est Camus Coulier Production. Et puis, ils se sont fâchés, ils se sont séparés. Mais Coulier a beaucoup appris, je crois, auprès de Camus. Et donc, il va chez Coulier. Donc, qui organise une tournée avec évidemment tous les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une entrée très, très spectaculaire, très soignée, mise en scène, des effets spéciaux, des vidéos magnifiques. Voilà. Mais qu'est-ce que promettait Coulier par rapport à Camus? Justement, est-ce que c'était pas Johnny Hallyday s'exporter à l'étranger? Alors, c'est certain que s'il y a une différence entre les deux, c'est qu'avec Coulier, Johnny s'est un peu exporté. Et notamment, il a eu l'occasion de chanter pour la première fois à New York, au Beacon Theatre, avec la présence sur scène de Mickey Jones, qui est venu jouer avec lui. Donc ça, c'est un grand moment, mais qui n'a pas été capté. Il y a une photo laquelle je tenais beaucoup, les deux sur scène que j'ai mis dans mon livre 60 ans de scène et de passion. J'adore cette photo. Elle est tellement symbolique et chargée d'histoire. Et puis, il chantait surtout au Royal Albert Hall de Londres, qui est une salle absolument mythique, où il a fait deux concerts. Alors, moi, je ne suis pas allé, mais j'ai des connaissances qui y sont allées. Le public était très majoritairement français, mais ça a été deux concerts absolument magnifiques. Et là, pareil, on n'a pas de captation, on n'a pas de traces, malheureusement, de ces deux concerts à New York et puis à Londres. Il est allé aussi à Moscou. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas mélanger tout, mais il est allé aussi à Tel Aviv. C'est ça que je me pose la question. Il a fait quand Tel Aviv? En 2012 ou en 2014? Je crois que c'est 2012 avec la photo de Corluère. La liste de Corluère. Enfin, bref, il va chanter. Effectivement, il va. Non, 2014, il fait les États-Unis, sa tournée américaine. Oui, donc c'est en 2012. Donc c'est même 2012 alors. Hein. Voilà. Donc il chante, il s'exporte, c'est effectivement. Juste à lire ton livre, hein, sinon. C'est pas sûr, parce que comme c'est les concerts que j'ai vus, il faut mieux que tu choisisses l'autre livre. Mais bon, c'est pas très important. Mais Coulier, voilà ce qui lui apporte en plus. Mais sinon, de toute façon, Coulier, il garde les mêmes équipes. Hein, c'est le directeur de production, c'est le même. L'éclairagiste, c'est le même. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, il reprend les mêmes recettes. Puis c'est Tel Aviv, c'est bien 2012-2013. Oui, de Tel Aviv, donc 2012-2013. Donc là, il a fait, oui, il était à Tel Aviv, il est à Moscou, New York, Londres. Donc oui, il a se produit un petit peu à l'étranger. Mais en fait, le plus important pour lui à l'étranger, ça sera sa tournée américaine. Je pense que c'est vraiment ça qui lui tient à cœur. Donc le documentaire dont on a parlé en début d'émission, Mon nom est Johnny, qui est sur cette tournée. Oui, parce qu'il a fait deux tournées américaines, 2012 et 2014. Une très courte. Tu ne peux pas parler de tournée en 2012. Non, 2012, il a fait deux, pour la ligne. Mais quand il a fait deux dates, moins deux ou trois dates, c'est non. Mais je crois pas, non. Je crois pas. Mais bon, tu vérifieras. T'as peut-être raison, mais je crois pas. Et en tout cas, cette tournée est sortie, un live est sorti qui s'appelle Backstage. On stage, oui. En fait, ils ont pris un titre dans chaque ville, enfin, ou à peu près, quoi, tu vois. Et il y en a pas de. Et il y a même pas de captation DVD. Donc, voilà. Donc, c'est nos souvenirs personnels, notre mémoire. Et dans cette tournée, il reprend ce beau poème sur la 7e symphonie de Beethoven. Alors, au milieu du tour de chant, il y a une séquence symphonique avec un grand orchestre. C'est Yvan Cassard qui est responsable des arrangements. Hein. Et donc, il y a le poème. Il y a aussi Tennessee pour la première fois dans une version un peu différente, de coloration symphonique. Et je crois qu'il y a aussi Entre mes mains. Oui, me semble-t-il. Tout à fait. Qu'il a fait en 2013. En 2013, ça c'est sûr. Oui. Peut-être pas en 2012, mais en tout cas, il y a le poème sur la 7e symphonie qu'on écoute en fond sonore actuellement. Et des armes. Et des oiseaux. Allez. Ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que ça a vraiment existé? Alors, ne me racontez plus l'histoire. Moi, j'ai besoin de toucher, de voir pour y croire. Ben, c'est vrai, le sable était blanc. C'est vrai, il y avait des enfants, des rivières, du chemin, des cailloux et des maisons. vraiment existé. Et oui, l'année 2012, et juste après, on a Bercy 2013. En fait, il enchaîne avec le Band en Cœur Tour, avec pour 70 ans, donc une soirée à Bercy, enfin plusieurs soirées à Bercy, dont une qui est retransmise en direct par TF1. Et c'est dans cette tournée que Entre mes mains sera interprétée. Mais c'est la soirée de 70 ans qui est absolument incroyable, parce qu'il va enchaîner donc un concert à Bercy avec des invités, il y a notamment Charles Aznavour qui vient chanter sur scène avec lui sur ma vie. Et puis il termine Bercy et il file au Théâtre de Paris où il va retrouver Brian Setzer et faire un concert d'une heure de rock'n'roll. Alors pour voir le concert, on le voit sur internet, en fait on le voit sur le site internet de TF1. J'étais pas moi ce soir là à Bercy. J'étais à un autre concert au Stade de France. Moi j'avais regardé j'étais à Bercy le dimanche, j'avais regardé le concert en direct. Et après j'ai regardé donc le concert au théâtre. Et dans ce concert au Théâtre de Paris, il nous sort une pépite, mais c'est un petit peu le même truc à propos de mon père, un titre qu'il a jamais fait sur scène, c'est Réclamation de l'album Rivière. Je pense que Philippe Manœuvre est pas innocent à ce choix, parce qu'il était assez proche à l'époque de Johnny, et qui lui c'est un album que je pense c'est l'album qu'il aime aussi, ainsi que l'album Rock le plus terrible. Il adore cet album. Et bizarrement il aime aussi beaucoup l'album de Berger. Donc on peut aimer différentes Johnny, mais en tout cas cette soirée était mémorable, parce que il arrive, il est frais comme un gardon quand il arrive au théâtre, c'est incroyable. Il vient de faire 2 heures à Bercy, c'est ça, 2 heures. Donc il y avait son fils qui était là, il y avait donc Charles Aznavour, il y avait je sais plus qui, enfin un nombre d'invités, et c'est un concert. Eddie Mitchell également. Eddie, oui bien sûr, qui est son ami, très belle chanson d'Eddie, son très bon dernier album d'Eddie Mitchell, et c'est la chanson qu'il a dédiée à Johnny. Cette chanson j'aime beaucoup. Donc, moi je trouve que le texte est superbe et c'est un petit peu d'amour. Ouais, juste un peu d'amour. Et qui reprend une chanson de Chuck Berry. Ah, il reprend une chanson de Lynyrd Skynyrd. Oui, il y a quelques petits rock'n'roll et puis il y a quelques chansons avec des textes assez réussis. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais je l'ai, mais j'ai pas eu l'occasion d'écouter encore. Tu verras. Mais j'écouterai. Et là, on écoute Entre mes mains, donc Bercy 2013. Et dans ce Bercy 2013, il va balayer un répertoire encore très large, puisqu'il va aller jusqu'à chanter Laisse les filles. Donc, premier 45 tours. Et ça faisait très très longtemps. C'est incroyable. Oui, très très longtemps qu'on n'ait pas entendu Laisse les filles. À la rigueur, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était en 93 au Parc des Princes. Oui, dans le medley. Mais en version intégrale, depuis les années 60 qu'il n'avait pas interprété. Jamais. Oui, et ça, c'était une belle surprise de la soirée. Tu parles de Laisse les filles. Bon, on va l'écouter tout de suite dans l'émission Julie de la Z. Entre mes mains, c'est la première, première chanson écrite par Thibaut et Renard. C'est une vraie réussite. C'est vrai. C'est une vraie réussite. La même dirait qu'il y en a, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller. Laisse les filles en main. Donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles. Pendant que ma mère s'est tuée. Laisse les filles. Ah oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Allez, laisse donc un peu les filles. Merci 2000. Oui, c'est ça, parce que des fois ils se trompent. Oui, mais là ils s'est pas trompé. Parce que là, après la chanson suivante, en principe, c'était. 1974. Tu vois ça. On la diffuse pas la chanson. C'est oui. Charpentier. C'était Si j'étais un charpentier. Voilà. C'est ça qui est amusant. C'est qu'ils se trompent souvent dans les dates. La dernière fois, c'était aussi une chanson des années 70. C'était Le Pénitencier, disait aussi. Donc, tu dis non. Et là, on enchaîne avec Rock'n'Roll Man. Donc, Et là, nous sommes en gros une heure et demie après le Bercy, même pas, je dirais. Et nous sommes au Théâtre de Paris. Théâtre de Paris. Là, dans la nuit du 15 au 16 juin, Johnny fêtait ses 70 ans. Et on est avec Tommy Brown. Tu veux qu'on te laisse la chanson? Oui. Allez, on met musique sur RIG. Sur la scène de ma vie, dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui dort et dans mon cœur. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. Rock'n'roll man. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom. Et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Ce rock'n'roll man. Mais ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait son nom. Quel we'll be right back. m'avait laissé la misère de toute une enfance. Les parfums de Memphis, ils s'étaient échappés. Pour lui, c'était la dernière chance. Et d'être un rock'n'roll man. Oui, d'être un rock'n'roll man. Et chanter, et chanter. Le rock'n'roll man. Oui, ses cheveux l'ont dansé, cachant presque ses yeux. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y a vu son nom. Rock'n'roll, il m'a donné envie d'être ce que je suis. Et puis l'amour de rock'n'roll, j'ai chanté ses chansons et j'ai fait de ma vie comme sa vie une course folle. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Et c'est sa vie. Et c'est ma vie. Ses concerts, sa plus belle histoire d'amour, ça c'est actuellement au Théâtre de Paris, en l'an 2013, dans la nuit du 15 au 16. Parce que je ne sais même plus quelle heure il était. Hein. Et là, tu parlais du titre tout à l'heure, Réclamation, issue de l'album, oui. Rivière ouvre ton lit. Il n'avait jamais chanté, c'est vrai. Ouais. Même en concert, j'ai regardé à nouveau. Non, non. Et vraiment, même sur les concerts pirates qui peuvent exister, je ne vois pas ce titre-là. Il ne l'a jamais interprété. Et là, surprise du chef. C'est excellent. C'est... Quand on entend ça, mais et en plus. Et en plus, je pense que le public qui était là appréciait. Ah oui. Et à la différence de Rivière au Palais des Sports, là, au Théâtre de Paris, je pense que les gens appréciaient. Et en plus, avec cette couleur musicale qu'il y a, qui change depuis les années 69, on a un son plus brut encore, plus. Pas plus rock forcément, mais, oui, enfin, mais là, plus c'est, nouveau. C'est quand même très, c'est quand même très très rock. Ouais. On va le laisser. On va le laisser. Allez, on vous laisse ce petit morceau là. Yeah! ceux qui s'assoupissaient un peu, ils ont dû se réveiller. S'ils écoutent le prochain titre, qui est issu de la tournée Restez Vivant Tour, donc, qui est Lang Junior a lancé en juillet 2015. Alors, c'est sa dernière tournée, malheureusement, seule. Et c'est une très très grande tournée. C'était une réussite totale, à la fois sur le plan de la mise en scène, des arrangements musicaux, des lumières aussi, mais le répertoire. Résurrection de certains titres, des titres qu'on avait, 70. Voilà, notamment entre autres, Tomber c'est facile, oui, de l'album Country Folk Rock, et un ovni qui l'a malheureusement retiré en cours de tournée, mais il y a une captation live, et c'est pour nous qui aimons cette époque, moi qui vraiment ai vécu cette époque, c'était génial d'entendre ce titre. Je comprends que les gens, certaines personnes étaient surpris, devaient pas connaître et donc pas forcément réagir. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré, malheureusement. Comme Rivière en Bretonnie. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a Nadine, qu'on va écouter après, oui, de Rock and Slow de 74. Ça aussi, ça a été vraiment une belle surprise. On entend en ce moment J'ai sur ma guitare, qu'il l'avait déjà fait en 81. Il l'avait fait en 74 aussi, quand le disque était sorti. C'était Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est une très belle chanson, j'aime beaucoup. Il y avait aussi J'ai besoin d'un ami, qu'il a repris. Il y avait aussi. J'ai besoin d'un ami. Cette chanson, décidément, il se plante à chaque fois dessus. J'ai réécouté d'autres concerts, le concert de 73. Ah oui, 73, il se plante dedans. Je ne sais plus, après à la télévision, il s'était planté également. Là, quand je suis allé le voir à La Rochelle, au Francofolies, il s'est planté dedans. Mais vraiment, cette chanson ne lui porte pas chance. Il fait aussi. Alors, il reprend Victime de l'amour. Il fait aussi, 82. Bon, un bel album que tu n'aimes pas. Oui, non, mais voilà, mais, la chanson, celle que j'aimais. Puis là, il fait la bonne. Hein, ouais. C'est sur la fin du Tour de Chant, c'est excellent. Donc beaucoup de titres un peu inattendus, et ça c'était vraiment bien, quoi. Ça c'était vraiment bien. La tournée a été superbe, hein. Elle s'est étalée sur plusieurs dates et sur plusieurs périodes, et moi j'ai eu la chance, je crois que c'est une chance, mais je l'ai vu à Arcachon. C'était son avant-dernier concert, je crois que le lendemain c'était en 2016, c'est ça, hein. Voilà, oui, il est parti à Vienne après, et à Vienne, je crois que c'est Vienne, le dernier concert qu'il fait seul, et Arcachon c'était l'avant-dernier. Et Arcachon, on était dans une enceinte extérieure de 8000 personnes, ça a été un karaoké. Toutes les gens chantaient toute la soirée. Il y avait une ambiance merveilleuse, il faisait un temps délicieux. Et toutes les chansons, je crois, Noir c'est noir, c'était incroyable. Tout le monde chantait. Et c'est vraiment un merveilleux souvenir. Triste aussi, mais cette tournée était magnifique. Magnifique. Et tu ne peux pas imaginer ce qui allait arriver. Non, malheureusement, vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai que. Peu de temps après. Je crois que je l'ai vu trois fois pendant cette tournée-là. Bah, je l'ai vu à Paris, j'ai vu donc à Bordeaux, je l'ai vu à Arcachon, j'ai vu plusieurs fois aussi. Et à chaque fois, il était en super forme. Super forme. Et justement, là, tout à l'heure, on parlait donc de Résurrection, le titre des années 70. Les nouvelles chansons, voici une que vous commencez. Non, pas celle-là. Ouais, on va passer ça. C'est pas une nouvelle chanson, c'est... ça. C'est ce qui a fait de l'avenir, ça. Oui, exactement. Ouais, Chuck Berry. Voilà, on retourne avec Nadine. Johnny qui n'avait pas chanté Nadine depuis 1975. Je crois que la dernière fois c'était à Montréal et qu'il avait interprété celle-là. Ou sinon pendant la tournée de 75 d'été. J'étais dans ton quartier pour essayer de te revoir. Lorsque tu m'as vu, tu m'as changé de ce soir. Tu es rentré chez toi et tu as fermé les rideaux. J'ai dormi sur un banc avec des frissons dans le dos. Je suis venu le lendemain, sans ton vélo de parc et pour un rendez-vous lointain. J'aurais voulu t'accompagner seulement main dans la main. Je ne voulais pas voir celui qui serait le prochain. pour te parler, en espérant qu'il pourrait enfin te décider. Tous les amis s'envoyaient et s'il dévance la vie, je suis la gardée au point de toi pendant toute la nuit. La vie, où es-tu? La vie, la vie. Superbe tournée, oui. Hein. Restez vivant tour. Super tournée, superbe enregistrement. Le live est vraiment très, très, très bon. Puis, et on a tout, quoi, parce qu'ils ont sorti 3 CD et donc les titres qu'il a fait dans la tournée. Mais ça, c'était très bien, ça. Ah, par ce qu'ils ont proposé, justement, super, le troisième CD ouais. avec tous les titres qui ont été chantés peu de temps et qu'ils l'ont mis quand même là. Qu'est-ce qu'il est bien? Ah oui, de toute façon, si voilà, nous on va dire, Jean-François et moi, on va dire que s'il y a un CD à écouter sur les trois, c'est peut-être celui-là qu'il faut écouter le plus souvent. Bien content d'entendre Nadine. Hein. Oui, oui, oui, par contre, oui. On reprend J'ai besoin d'un ami, on reprend J'ai pleuré sur ma guitare et tout ça, on les prend aussi, ceux-là. Mais on est très content de retrouver, donc c'est quelque chose. Oui, et puis c'est le dernier live. C'est le dernier live. Oui, de son vivant, oui. De son vivant, en fait. De son vivant, parce qu'après, là... C'est la dernière tournée en solo. C'est la dernière tournée en solo, car donc là, dans quelques secondes, on va tomber sur Les Vieilles Canailles. Il y a eu Les Vieilles Canailles, il y en a eu en 2004. Dont tu parles dans ton livre, oui. Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour. Parce que Michel, en plus, a vraiment eu aucun problème là pour faire des photos. Donc, il y a eu les deux tournées, celle de 2014. Mmh. Des bonnes tournées, d'ailleurs, ils étaient uniquement au Zénith. Merci. Et puis, celle de 2017, qui est la dernière tournée, la dernière DDR. Bon, on va pas remettre tout ça, reparler de tout ça tellement c'est triste, mais ils ont dû prendre un plaisir tous les trois à faire cette tournée. Et puis quand tu les écoutais, tu te dis, oh, on a vécu quand même des choses extraordinaires, parce que leur répertoire à tous les trois, le nombre de pépites, de merveilles qu'il y a. Bon, on écoute là en ce moment une chanson qui est extraordinaire, Couleur Mentalo. Que Johnny envie au Benedict. Peut-être ma chanson préférée d'Eddie Mitchell, c'est une très très grande chanson. Mais Dutronc aussi, Dutronc, il y a des merveilles. Enfin, les Playboys, Paris s'éveille, c'est des chansons qui ont bercé toute notre jeunesse, toute notre enfance. On a eu un concert best-of, de toute façon. C'était génial. Et vraiment, c'était top de les avoir tous les trois. J'ai vu que Dutronc allait repartir en tournée avec son fils. Il va passer par Bordeaux, je crois que j'ai pris un plaisir d'aller le voir. Mais voilà, donc c'est la fin de cette histoire, cette très belle histoire, 50 ans avec ses fans, avec son public, sa plus belle histoire d'amour, c'est le clin d'œil à la chanson de Barbara, mais qui représente tellement, je crois, la vie de Johnny, parce que je crois qu'il était heureux sur scène, c'était là où il se sentait bien. Et encore ce que Camus nous a dit hier, quand on a discuté avec lui, voilà. Et la fidélité de son public qui n'a jamais baissé au cours de toutes ces années, elle n'a fait qu'augmenter, et c'est un lien qui est indéfectible, absolument indéfectible. Et on a tous ces merveilleux disques ou DVD qui nous permettent de se rappeler tous ces grands moments. Et ce livre qui est là pour aussi raconter cette histoire. Bien sûr. Et puis cette émission aussi que vous écoutez tous les mercredis, qui permet de continuer à faire vivre Johnny Hallyday ici, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos oreilles. Ah, tu le fais vivre merveilleusement bien. Ah, j'essaie le mieux possible, merci. Ah, oui. J'essaie de le faire vivre tous les mercredis. Et puis évidemment, Si j'étais tout seul, ce serait pas ça non plus, hein. J'ai besoin de vous, vous auditeurs, pour qu'on puisse faire la fête ensemble tous les mercredis. Ou peut-être, évidemment, il y a d'autres émissions qui existent maintenant sur le net, d'autres émissions sur Johnny Hallyday. Et oui, mais toi, t'as 20 ans. Mais moi, j'ai 20 ans. Voilà. Je peux dire que je suis le premier. Je suis le premier à proposer une émission hebdomadaire sur Johnny Hallyday. Donc, rien que pour ça, il y a la médaille d'or. Je suis le premier. I am the first, I'm the one. On va terminer avec la fille aux yeux montant l'eau, les Playboys, et on se retrouve pour la fin pour clore ce chapitre, Johnny, pour terminer ses concerts. Cette histoire. Voilà. Ça, c'est une belle chanson. Merci. Bravo, monsieur Eddy. De rien. Playboy de profession habillé par Cardin et chaussé par Carville, Chigampemo, qui roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vend ses quartiers comme ils vont ses faussons. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. J'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac-boubou. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur or en haut au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Que je sois jaloux, pas du tout, mais pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les Superman, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquin, en l'air de Davidson, une seule promène. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait trembler ouais, les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du zen, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin chez Catherine Harvey, ceux qui se marient à la Madeleine. Et Effrayez-vous que l'on soit jaloux. Pas du tout, pas du tout. On a un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Et les filles en tombent à nos genoux, on recommence qui fait crac boum. Crac boum, crac boum, crac boum, crac boum, crac boum, crac boum, crac boum, crac boum. Juste encore une fois. Ça suffira comme ça. C'est ça, cette émission Johnny de A à Z avec Jean-François Chenu, mon invité de ce soir. Merci Jean-François. Merci à toi. J'en profite pour souhaiter un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et j'ai envie, et je dis, de rendez-vous à tous tes auditeurs l'année prochaine avec peut-être. Un livre 10. Ah oui, peut-être, peut-être bien. Mais j'espère bien, tu m'aideras de le présenter. Et puis je présente toujours aussi ton livre, Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour. Mais toujours présent, hein. Il n'y a pas de difficulté à le trouver celui-là encore. Il y a des difficultés à le trouver dans certains magasins, parce que je devais faire deux dédicaces au Cultura de Bègles. Oui. Ils n'ont pas de bouquin. Au Leclerc du Rhône, ils n'ont pas de bouquin. Je serai donc le 18 pour nos amis bordelais au Cultura de Bordelac. Bordelac, voilà, très bien. Si vous avez envie de venir discuter, ça sera avec grand plaisir. Ben oui, il le faut. Retrouvez Jean-François, aucun souci. Sinon aussi, c'est vendredi soir, après-demain. Après-demain, tu es au Johnny's Bar. Avec Michel Leclerc. Avec Michel Leclerc, oui, absolument. Voilà, donc sur l'esplanade de Bercy, à Paris, à l'Arcor Arena. Voilà. Merci encore à toi, Jean-François. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne fête d'année, François. Merci. Et Pays Basque. Magnifique. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et ce sera avec Thibaut Geffrotin. À bientôt, à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao. Salut.